Écoutez. Veulent le ciel négro, veulent le ciel pico, veulent le ciel yellow, veulent le ciel latino. Nous savons de hache, la sauce est trash comme une arme étalage au milieu des Appalaches. Ouais, faut que ça sache, des t-shirts à moitié pris, fabrique des esclaves. Il faut que ça sache, des caves remplies d'acide légal, que sont en mer fermés dans mon télégé. Et tu meurs dans la tête, un genre usé à pompe, sur un de terre, même la gamme du mort. Non, je parle pas de ça, mais des petites thaïlandaises qui se font baisser dans ta veste. Les gros macros, gros en gros narco. La polarité, la débrouille, t'en mets plein les couilles, ouais. En poisson à quoi bouffer, la délinquance encore s'augmenter. Non, ça m'étonne pas, on est en état de crise. Ramène pas ton LSD, ou les pits se brisent. Une couille bas, contrebande. Quand tu tapes la cosse, contrebande. Quand tu portes du rat, contrebande. Quand t'as la passe dans le rock, contrebande. Quand tu fumes couille bas, contrebande. Quand tu tapes la cosse, contrebande. Contrebande, tu vas te chercher con, une chatte vaut 3 euros, va voir la contrebande, t'as vu de la sap en banque, un gros signe de belle pompe, tu veux du chic et bon, va voir la contrebande. Ouais mais c'est pas fait par des enfants. Et nique c'est fait par qui? Là tu donnes pas trop de billes, j'ai compris, tu veux des gros mots. Non mais c'est ma mère qui a dit la contrebande c'est des méchants. Et toi t'es un gros gland, t'aimes les chinois, mais t'aimes pas leur sap. T'aimes les africains, je t'aime pas leur sap. C'est le monde à l'envers, et l'envers dans le mot. Quand tu fumes Goïba, contrebande. Quand tu tapes la cosse, contrebande. Quand tu portes du rat, contrebande. Quand t'as la base dans le rock, contrebande. Quand tu fumes Goïba, contrebande. Quand tu tapes la cosse, contrebande. Quand tu portes du rat, contrebande. Quand t'as la base dans le rock, contrebande. Écoutez, on rap contrebande, tu bandes à la demande. Pas besoin de mendier, la fourrière on y est. Les gens dans la galère vont vous laisser. Comment égaler ceux qui n'ont pas notion de l'argent? La portion de la monnaie qu'ils ont est trop grande. Je vois la monnaie de l'arnaque à la demande. La mondialiste bande de la merde aux jeunes du quartier. Les économistes derniers vont griller comme des feux rouges, ils bénèvent. Détournent et tournent l'argent comme elles. D'abord pouvez-vous acheter du Dionys? Ils exploitent nos frères en Afrique. Tout ça pour du fric. Prix inestimable pour un t-shirt à l'image de Naït. Gaspiller ton flou, est-ce que tu les imites? Un placebo pour te sentir bien dans ta peau, les gens t'évitent. Les maîtres du monde rigolent bien de nous, sauf quand leurs cargaisons n'ont plus de roues. On démonte les rouages, fréquente pas nos routes, nos fonds monétaires en otage. Ici c'est 0% esclavage, 100% coton. Commerce équitable, produits bio, c'est pas un coton. Dans nos quartiers, les footballs sont des colons. Voilà coller des marrons pour nos frères de l'autre côté de la mer à la peau marron. Pas de quartier, pas de pardon pour les patrons. Payés, attachés au patron, seul le clairon. Patronnier, même des pirates, ton propérat. Le pop est si rap. Les réseaux de nos présidents au Cameroun, comme Bush en Irak. Que des camels dans mon quartier, jamais ils se calmeront. Quick dark, des points, ils marquent. Rien n'est inattaquable, la jeunesse dorée. Fils de Mac, je suis drogué, passe facilement à table. Je domine le rack comme un blanc barbouze domine Abidjan. Mais moi je vole hop, pas comme tous ces gens. Ils ont des grosses valises chelous, des cravates, des belles voitures, bientôt cramées grand. Géant. Quand tu fumes Goïba, contrebande. Quand tu tapes la cosse, contrebande. Quand tu portes du rat, contrebande. Quand t'as la base dans le rock, contrebande. Quand tu fumes Goïba, contrebande. Quand tu tapes la cosse, contrebande. Quand tu portes du rat, contrebande. Quand t'as la base dans le rock, contrebande.